بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ندخل اليوم في الحديث 39 بإذن الله تعالى يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه حديث حسن رواه ابن ماجه وبالحقي وغيرهما Dans le 39e hadith, l'auteur, rahmatullah, il dit, selon Ibn Abbas, radiallahu anhuma, le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que certes, Allah a pardonné à ma communauté, pour moi, c'est-à-dire à ma communauté, l'erreur, c'est-à-dire involontaire, l'oubli, et ce dont ils ont été contraints, forcés, malgré eux. De faire. Hadithun Hassanun. Donc ce hadith vient pour montrer, il vient pour parler de ce qui touche aux règles de taklif. À quel moment le abd la yursab alayhi ma qama bihi min amal. À quel moment le serviteur, ce qu'il fait n'est pas compté. فكما قال الشيخ الفوزان هذه بشرى للمؤمنين c'est une bonne nouvelle pour lui de dire que Allah Azza wa Jal a pardonné les choses qui nous sont inévitables comme al-khata al-nisyan wa al-ikrah les choses que nous ne pourrions supporter al-khata al-murad bihi huna wa alladhi wa ayn mutaammad ce qui n'a pas été fait délibérément. Une chose que tu as fait, par erreur ou par ignorance, donc à ce moment-là, cela est pardonné. Et nous n'avons pas châtié si ce n'est après avoir envoyé un messager. C'est-à-dire que nul jugement ne se fait à part pour quelqu'un qui aura eu et commetté le hujja. Bon, la preuve lui a été exposée. C'est-à-dire, il a su. Al-ilm. Wa min adillat ala zalika masalan hadith Abi Hurayra fi allazi yusamma bi musi salata. Celui qui faisait mal à salat. Fa'innahu dakhala al-masjid fa sallama ala nabi sallallahu alayhi wa sallam fa salla. سمعته فسلم عليه فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقال صلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات cet homme qui est entré au masjid qui a passé le salam au Nabi صلى الله عليه وسلم après il a fait la salat après il est revenu auprès du Nabi صلى الله عليه وسلم il lui a repassé le salam le Nabi lui a répondu il lui a dit refais ta salat ce que tu as fait c'était pas une salat il est parti il a recommencé cela trois fois d'affilée trois fois d'affilée. Et après, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné comment faire la salat. Car il ne savait pas. Contrairement à celui qui l'aurait fait, en sachant, car cet homme allait trop vite, en fait, dans la salat. Ce hadith vient pour montrer les haqqaïd de la salat et al-tumanina, la quiétude dans la salat, la concentration. Et cet homme allait trop vite. Mais il ne savait pas. Il ne faisait pas exprès. Hatta qala lahu والذي بحثك بالحق علمني فإني لا أحسن غيره إلا يبصر كي تنوي par la vérité enseignement car je ne connais pas d'autre façon de faire la salat et là le Nabi صلى الله عليه وسلم l'a appris à faire la salat cet homme est excusé dû à son erreur à son ignorance à ce moment-là فهذا هو الأول الخطأ كما قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما أو بل لا يؤاخذكم الله بما أخطأتم به ولكن بما تعاملت قلوبكم. Que Allah ne vous prend pas pour ce que vous avez fait par erreur, mais pour ce que vous avez fait délibérément. Ensuite, يقول النسيان l'oubli. Parce que la personne oublie kazalik. Parce que la personne oublie kazalik, malgré elle, cela lui est pardonné. Oui, le dalil de al-khata wal-anisyan, l'erreur et l'oubli, qu'Allah Azza wa Jal, Rabbana la tuwakhizna in nasina aw akhtana. Notre Seigneur ne nous reprend pas parce que nous avons oublié ou parce que nous avons fauté involontairement. Donc l'erreur et l'oubli sont des choses qui sont pardonnées. كذلك مثلا الصائم كما جاء في حديث اذا شرب احدكم او اكل وهو صائم وهو ناس فليتم صومه فليواصل. Celui qui jeûne مثلا qui a oublié, il a bu par inadvertance ou il a mangé par oubli, après s'il se rappelle, il arrête sur le champ et pense son jeûne. Ça arrive, ça. Ça arrive. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة. Trois personnes sur qui il n'y a pas de يعني ils ne sont pas dont les actions ne sont pas comptées. قال الصبي حتى يبلغ. L'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère. Wa an-na'im hatta yastayqiz. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Wal majnun. Et le fou. C'est ce qu'ils trouvent la raison. Ces trois-là, lors de leurs actions, ce qu'ils commettent comme action, ce n'est pas compté comme mal. L'enfant, il n'est pas moukallef, quoi qu'il fasse. Il n'a pas de péché, mais il peut avoir de bonnes actions, malgré tout. Tu peux les compter. Et quoi qu'il en soit, s'il n'a pas de péché, c'est à son wali d'assumer les erreurs qu'il ferait. Naïm, celui qui dort. Man nama an salatihi, fa yusalliha, iza tazakkara, aw iza istayqadha. Celui qui dort ou qui oublie la salat, alors qu'il la fasse, sa kafara, c'est à quel moment qu'il la fasse quand il se réveille, lorsqu'il se rappelle. C'est même j'arrive au sahaba ou au nabi, sallallahu alayhi wa sallam, ils sont en voyage. Ils ont voulu dormir juste avant le fajr, ils ont demandé à Bilal de faire de surveiller pour eux et de faire l'azan. Et Bilal s'est endormi également. Ils s'en sont réveillés, donc quand t'as shams, le soleil s'est déjà levé. Et à ce moment-là, Bilal s'est levé, il a fait l'azan, ils ont fait le fajr. Après l'heure. Mais il dormait, il n'a pas fait exprès. Et كذلك le naïm, celui qui dort, il peut arriver à faire des choses dans son sommeil, malgré lui. Ce qu'on appelle le somnambule, par exemple. Les gens, dans leur sommeil, ils se lèvent, ils font des actions. Donc, s'il viendra à faire une chose qui est interdite pendant son sommeil, par exemple, je ne sais pas, bon, il se lève de son sommeil, il marche, il est endormi, et je sais pas moi, il m'a touché une femme qui est étrangère, pas par exprès. À ce moment-là, il n'y a rien qui comptait sur lui. Il dort. Bon, les gens ils ont du mal à croire qu'il dort, mais ça peut arriver. Ça me bute des fois des choses surprenantes qui arrivent. Il sort de chez lui, il revient. Et en passant, il touche une femme. Lui, il dort. Et il revient et il dort. Somnambulisme, ça existe. Ça existe. Ou il se lève quelque part et il urine une partie de la maison. Il n'a jamais ça. Ma salade. Ça n'est pas compté comme une faute à ce moment-là. Non. Par contre, le fou ou celui qui dort, même en dormant, il fait un geste, par exemple, il tourne, il fait tomber quelque chose ou, je sais pas, ça amène à des dommages. Ou alors l'enfant, quoi qu'il arrive, يعني تجوز عنهم الخطأ, l'erreur, quoi qu'il en soit, ils doivent dédommager si jamais il y a eu des dégâts. Ça, par contre, la salle de l'enfant, son wali dédommage. Il a cassé quelque chose, c'est à son wali dédommager. Le fou, il a cassé quelque chose, c'est à son wali de se charger de dédommager les gens qui ont été lésés. Ou celui qui dort, quand au moment où il se réveille, on lui a fait ça et ça dans ton sommeil, il dit, je savais pas, il dit, bon, dédommager ce que tu as fait. Tu as cassé quelque chose ou quoi. Hack des gens. Dans ce qui est valable. Des fois, il n'y a pas de dédommagement à faire. Donc, ce qui est pardonné, c'est l'erreur. Et non pas le dédommagement. Le dédommagement lui reste. Si le hack des gens, il a été cassé, il a été pris ou quoi, il faut le rendre. وكذلك مثلا celui qui tue par erreur quand il a khata, lui, il paye dia ou la kafara de faire le jeûne de 2 mois d'affilée. Mais il n'y a pas que ça sur lui, qu'il a tué un musulman involontairement. Par exemple, accident de voiture, il a renversé quelqu'un en voiture, c'est pas exprès. Ou lui-même a fait l'accident de voiture, et ça a causé la mort des passagers. Il n'a pas fait exprès. Malgré tout, il y a une expiation à faire. Mais lui n'est pas compté comme ayant tué une âme interdite volontairement. Et, مثلاً, جاء في الحديث, كما قال تعالى, في قوله, لله ما في السماوات وما في الأرض, وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله. Allah appartient à ce qui est dans les cieux, dans la terre. Si jamais vous faites apparaître ce qui est en vous, vous le cachez, Allah vous, il en tient compte, il sait. Donc ce verset-là a troublé les sahaba. Ils ont dit, qui parmi nous n'a pas des choses qu'il imagine, qu'il a en lui, qui renferme? Ça veut dire, tout ce qu'on fera, ça va être compté. Et ça leur a fait mal. Ils ont été inquiets quand ils ont dit cela. Donc c'est parti de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Amen. Et après, il a dit, أَتُولِدُمْ تَكُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ كِتَابِ سَمِيْنَا وَعَصَيْنَا بَلْ قُولُوا سَمِيْنَا وَعَطَعْنَا. Voulez-vous être comme les gens du livre qui ont dit, nous avons entendu, nous avons désobéi? Mais dites plutôt, nous avons entendu, nous avons obéi. Amen. Et après, ça a été abrogé le verset. La suite du verset, كَمَا قَالَ تَعَالَى أَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ قُلْنَا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقُلْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ دُونَ يَدِيز رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَعَلْتُ. Après la suite du verset, il est venu que le prophète a cru en ce qui est descendu sur lui ainsi que les croyants tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, wa akada. Et même dans le verset, Allah yakul, la tukallifu nafsun illa wusaha, laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat. C'est là qu'ils disent, Rabbana la tu'akhizna in nafsina wa ta'ana. Que Allah n'impose pas une âme ce qu'elle ne peut supporter. Notre Seigneur ne nous reprend pas pour si nous avons oublié ou ce que nous avons commis involontairement. Et Allah, il a dit, « Qatfa'alt ». C'est déjà fait. En sens que c'est pardonné. C'était quoi, à ce moment-là, du fait que les sahaba, « Stajabu lil Nabi sallallahu alayhi wa sallam » Quand il leur a dit, « Voulez-vous dire, comme les gens du livre, telle et telle chose ?» Mais dites, « Nous avons entendu, nous avons obéi. » Ils ont dit tout de suite, « Nous avons obéi, nous avons obéi. » Tout de suite. « Stajabu. » Sans hésitation. Donc de là, il est descendu le verset qui a abrogé cela. Et il leur a été pardonné l'erreur. وكذلك جاء في حديث أن الله يتجاوز عن العبد ما تحدث بنفسه ما لم تعمل وتتكلم. Que Allah a pardonné au serviteur ce qu'il se dit en lui, les khawatir qu'on a en nous, qu'on imagine, tant qu'il ne les prononce pas ou qu'il n'agit pas en conséquence. ثم قال وما استكره عليه. Également ce à quoi ils ont été contraints. Des fois, des situations où tu es contraint de faire une chose que tu ne veux pas faire. Dans des situations. Donc la contrainte, c'est parmi les causes d'excuses dans les actes. Voilà. Comme a parlé Ta'ala, « Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa kalbuhu mutma'inun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadaran fa'alihim wa'adhabu minallahi walahum a'adhabun a'azim. » Celui qui a mécru en Allah, après avoir eu la foi, dans le sens que lui, un châtiment douloureux l'attend, sauf celui qui était contraint, d'accord, alors que son cœur est rempli de foi. C'est-à-dire, il était contraint de dire du kufr, de faire du kufr malgré lui. On l'a menacé, wa akada. Comme c'était le sort de son sahabi, qui s'est fait torturer par Quraysh, pour qu'il mécroie. Il a prononcé, après il a dit le Nabi, il est parti en informer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de ce qu'il a fait, il lui a dit, كيف تجد نفسك؟ قال يعني صدرك قال مملوء بالإيمان. La foi est pleine de foi. قال فإذا عاد فعد. Si recommence, recommence aussi. S'il te torture encore, redis la même parole. Tu es excusé en cela. Donc la contrainte, c'est excuse. C'est une excuse pour beaucoup de choses. Maintenant, la contrainte, elle a des chourouts pour dire que quelqu'un est moukra devant quelque chose. Tu vois, tu as des gens, ils ont des choses, ils disent moukra. Ils disent, après, tu n'es pas moukra. Ce n'est pas un ikra qui est maqboul. L'ikra, mais ça l'air, il faut dire que le moukri, c'est celui qui te contraint. Ce soit quelqu'un déjà, ce qu'il dit, tu sais que ça va arriver. C'est une chose, c'est pas tu penses, tu crains, ça va arriver, c'est sûr. C'est marouf, ça doit arriver à la base. Kazalik, le moukrir, il est sérieux dans ce qu'il dit. Tu sais qu'il est sérieux. Alors quelqu'un te dit, si tu fais ça, je vais te tuer. Il est sérieux. Et il est capable de faire ce qu'il va faire, ce qu'il va te dire. Quand il est sérieux, ça veut dire qu'il ne plaisante pas, et tu sais que ce qu'il dit, il va le faire. Autre chose, que tu ne sois pas en mesure de pouvoir te défendre. Ni de te sauver. T'as pas d'échappatoire devant lui. D'accord? Par exemple, c'est une personne d'autorité, c'est un homme, je sais pas moi, c'est un homme important, comme on dit qu'il a le bras long, et à qui tu peux pas vraiment échapper. Ah, mais non, c'est un homme comme toi quelconque, à part s'il est armé qui va tuer, par exemple, il a une arme, il te pointe, il dit fais ça ou je te tue, là, bon, c'est autre chose. Mais sinon, si quelqu'un, il vient, et tu peux te défendre, t'obéis par lui, tu vois. Je sais pas, moi, il vient avec un bâton et il dit, demande ton argent ou je te tue. Tu te défends, par exemple, à ce moment-là. Bon, encore, l'argent, ça, c'est pas un truc qui est haram, si tu lui donnes. Mais je veux dire, il te dit, par exemple, fais telle chose, fais un ce jeu des relais là où je te frappe, je te mets des coups de bâton. Par exemple. À ce moment-là, tu peux te défendre contre lui. Par exemple. Maintenant, il vient avec une arme à feu, là, c'est autre chose. Ou à Kaza. Bon, coup, l'oubli, des fois, t'as des gens, c'est même avec un bâton, ils sont pas la force de se défendre. Il est petit, il est mince, ou il est blessé, il est malade, par exemple. Et l'autre, c'est un, mashallah, c'est un gros bonhomme, avec un gros bâton. Voilà, kaza. Donc, c'est ça, les conditions d'ikra, c'est que le moukrir, c'est quelqu'un qui est sérieux en ce qu'il dit, et qui fait ce qu'il va dire, et contre qui tu ne peux pas faire face, et ni tu peux le sauver. C'est même si tu peux le sauver, sauf toi. Tu peux le sauver, sauf toi. Non. Et il y a des choses dans l'ikra qu'il ne faut pas accepter. Comme par exemple, on te dit, tue un tel ou je te tue. Par exemple. Quand tu le nefs. À la main, Adjouz. À ce moment-là, tu te dis, tu mens. Tu ne peux pas tuer l'autre musulman. Même pour la contrainte. Maï Adjouz à la. Ou il te dit, fais-y avec Foulana ou je te tue. Kazalik. Tu ne peux pas le faire. Tu n'as pas le droit de le faire à ce moment-là. Bon. Après, c'est des règles à Oussa Amin Zahalik. Quand même, quoi qu'il en soit, ce hadith, c'est une bonne nouvelle pour dire que nous, l'être humain, faible créature, nous sommes amenés à oublier, à fauter ou rêver Zahalika, ou des fois être forcés dans une certaine situation malgré nous, que Allah nous pardonne. Allah nous pardonne. Ala wal hadith. Aussi, il y a pas, il y a une chose à préciser. Quelqu'un qui ferait une faute, par exemple quelqu'un qui, un nouveau converti, Mathalène, il a fait les shahada et tout, il ne connaît pas quoi les règles de l'islam vraiment, et il boit de l'alcool. Dans un pays où il y a shali'a, Mathalène. Un exemple, je donne un exemple extrême. Il a mis de l'alcool. À base de hukm, c'est que on le frappe pour ce qu'il a fait. Lui, je ne savais pas que c'était l'alcool, c'était haram. Je n'ai pas encore lu dans le mushaf. Personne ne me l'a dit. Il dit, ah, j'arrête. À ce moment-là, les pardonnés ne savaient pas. Ignorant. Par contre, qui sait que c'est interdit l'alcool? Il dit, je ne sais pas qu'il fallait qu'on allait me frapper si je buvais. Il dit, ça, c'est pas une excuse, par contre. De ne pas connaître l'excuse, c'est de ne pas connaître le jugement shari. Que c'est halal ou c'est haram. T'es excusé. Maintenant, tu sais que c'est haram. Mais tu ne savais pas que il y avait une peine dessus. Là, c'est pas une excuse. Quelqu'un, il fait zina. Il dit, je sais que c'est haram, mais je ne sais pas qu'on allait me lapider. Ou me flageller. Ça, c'est pas une excuse, ça. Tu sais que c'était haram, t'avais pas que tu fasses. Donc, on différencie entre ma'alifat et le hukm, ma'alifat et ma'yatarattab à la al-fi'al. Ça, c'est deux choses différentes. Thumma yakulu fil hadith al-arba'i. 40e hadith. An ibn Omar, radiallahu anhuma, qala, akhaza rasulullah sallallahu alayhi wa sallam biman kibi. Fa qala, كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري. Selon Ibn Omar, il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a pris par l'épaule. Il a dit, soit on se bat monde comme un étranger ou un passager. Personne de passage. Et Ibn Omar disait, si jamais tu atteins le matin, alors n'attends pas la fin de journée. Et si jamais tu es en fin de journée, n'attends pas le matin. Et prends de ta santé pour les jours de maladie. Et prends de ta vie pour ta mort. Prends de ta vie pour ta mort. هذا حديث عظيم جدا كذلك. Donc dans le hadith, Ibn Omar dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a khadab ibn kibi, a pris par l'épaule. Et ça c'est pour attambi ala ahamiyat ma sayadkuruhu al-qa'il. Pour montrer l'importance de la parole de la, qui va suivre, que la personne se concentre et écoute. Et c'est également une marque d'affection. Corps d'un enseignant envers son disciple. Et lui a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Kun fit dunya kana ka gharib ou abil sabil » Soit en ce bas monde, comme un étranger, ou celui qui est de passage. « Lidan al-gharib »« Kef yakun al-gharib » L'étranger. « Il zedja fi makan »« Liyasta utina dal makan »« Wa liyasta kirfa dal makan » Et là, il veut faire allusion à quoi? Que, en ce bas monde, tu n'es pas à ta place. Tu n'es pas chez toi ici. Dans le sens où tu ne vas pas rester. Donc, ne fais pas en sorte de t'installer. Sois toujours en situation d'aller être prêt à mourir. Sois prêt à mourir. À n'importe quel moment, la mort peut venir. À n'importe quel moment, la mort peut venir. Comme encore le Ta'ala, « Aynama takounu, yudikum mout » Où que vous soyez, la mort vous attendra. « Peynel mout mulaqiyikum » Que la mort vous rattrapera. « Wakulu nefsin zaykatul mout » Que chacun goûtera la mort. « Wala tadri nefsin bi ayy ardita mout » Et qu'aucune âme ne sait où est-ce qu'elle va mourir. Donc tu ne sais pas ni où, ni quand, ni comment tu vas mourir. Mais ça, c'est une chose sur laquelle il y a ijma sur l'humanité, c'est qu'on va tous mourir. Là-dessus, personne ne doute. La divergence entre nous et les autres, c'est ce qui se passe après. Nous, on dit, c'est là que ça commence. Et eux, ils disent, à la mort, c'est là que c'est fini. D'où le fait que ces gens sont accrochés à la vie. Les gens sont accrochés à la vie, car pour eux, mourir, c'est une défaite. On dit, c'est une défaite pour le kafir. Pour le musulman, la mort, c'est une victoire. S'il meurt sur l'imène, quand bien même il aurait des péchés, comme ça, cela va venir dans le dernier hadith, s'il meurt sur le tawhid et sur les péchés, mais qu'il a des péchés, malgré zalika, mansiruhu il est le jannah, il finira au jannah, au paradis. Alors que le kafir, lui, quand bien même il aurait un faux semblant de foi entre le jannah ou le nar, qui croit au paradis et l'enfer, il ne sait pas où il va finir. Il reste mutaraddid, il doute, il est anxieux. Il ne sait pas. Mais lui, il a une foi. Jazi, il sait. Jannah, nar. Où est-ce qu'il est, il ne sait pas, mais il sait que ce sera ou ça, ou ça. Comme encore le Ta'ala, « Wa ratajidennum ahrasa al-nas ala al-hayat ou ala hayatim min al-din ashirakou » En parlant des Yahoud. Je le trouverai parmi les gens les plus acharnés, les plus accrochés à ce bas monde. « Yawaddu ahaduhum lo yu'ammaru al-fasanatim wa ma wa bi wuzahzihihi min al-azam ay yu'ammar » Wallahu basir bima ya'malun. Il aimerait vivre au moins 1000 ans. S'il pouvait ne pas mourir, il ne mourrait pas. Donc, toi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, il l'a formé Ibn Omar, justement, de ne pas être comme ça. De faire comprendre, tu es un étranger ici, et tu mourras. Et c'est ça qu'il faut préparer. Nous, notre cause dans ce bas monde, c'est préparer justement cette mort. Comme on dit, nous on vit pour mourir. Quand on dit on vit pour mourir, ça ne veut pas dire qu'on fait en sorte de vivre, qu'on cause notre mort. Non. C'est-à-dire que notre vie, on la prépare pour ce qui se passera par la suite. Comme les gens, Messalem, dans leur dunya, on lui dit à l'école, toute l'année, tu étudies. Pourquoi? pour l'examen de fin d'année. Tu te prépares à l'examen de fin d'année. Soit tu réussis, soit tu échoues. Eh bien, on nous dit, nous, à l'échelle plus haute, notre vie, c'est comme ton année d'études. On est là pour appliquer ce qu'on apprend, assimiler, pour pouvoir passer l'examen. Et au final, l'examen, on n'y échappera pas, c'est la mort, en soi. Après, soit elle fait comme, après le Zalika, Summa, Jenna, Unna. Jenna, Unna. Donc celui, l'étudiant, qui est studieux, qui perd pas son temps, qui fait ses devoirs, qui révise, qui vient à l'heure au cours, d'accord, qui écoute les directives du professeur, ou à Kaza, lui, en général, il réussit. Un mal l'arab, celui qui passe son temps en fond de classe, école buissonnière, où il fait pas les devoirs, où il est sous adab, il incite le prof, il dérange ses camarades, ou à Kaza, lui, il fait le ralib, il passe pas. Pas d'achabih. Le kafir, c'est l'arab. Il passe sa vie à jouer. Même s'il est sérieux dans ce qu'il fait, sa vie, c'est un jeu. Tant qu'il est d'accord à l'arza wajel, sa vie, c'est un jeu. Même si tu te dis, moi, je dors pas, je suis un architecte, je travaille jour et nuit, on dit, tu joues. Parce que ce que tu fais là, ça porte rien pour le mustaqbal. Tu joues. Ta vie, c'est une distraction. Ce que tu fais, c'est quoi? C'est pour ton plaisir, pour avoir de l'argent. Même si tu travailles comme un acharné, t'es quelqu'un qui, dans ce qu'il fait, il est mouchtahid, pour de vrai, mais ce que tu fais, ça t'apporte quoi? Pour l'au-delà. Voilà, chez. Donc, c'est du jeu. Ça, c'est futile. Tout cela, c'est futile. Combien de versets le disent? Que leur vie, ce n'est plus futilité de distraction. Donc le musulman, lui, il n'est pas comme ça. Ou il est censé ne pas être comme ça, plutôt, on dira. Et le gharib, l'étranger, quand il vient quelque part, comment il est? Mouchtakoun, il est beladi. Il vient dans un lieu, dans un pays qui n'est pas le sien. Et ici, il ne va pas rester. Il est venu pour un besoin. Pour une hajja, après, il repart. Comme le dit Cheikh Fawzan par la suite. Yaqul, yakun hammuhu al-ruju ila baladi. Que sont la chose qui touche le plus à l'étranger, c'est de retourner son pays. Qu'est-ce qu'il a fait retourner son pays? Il va retourner sa famille, il va retrouver sa maison, il va retourner ce qu'il attend. Il sait que c'est là-bas qu'il vit. Il dit, balad al-muslim ya al-jannah. Fa yasta'idu laha wa takunu hiya hammuhu wa ma yuwassiluhu ilayha. Il a dit, le pays du muslim, c'est quoi? C'est le jannah. C'est pas la dunya. C'est le jannah. Donc lui, il se prépare pour entrer dans son pays. C'est ça sa motivation. D'accord? Kazalik, il dit, il prend toutes les causes qui vont le faire revenir. Comme toi, étranger, tu prends ton billet de retour, tu t'arranges pour refaire ton... en sorte de préparer ton retour. D'accord? Eh ben, le musulman, on sait que c'est là-bas qu'on est censé aller. Et c'est là-bas qu'on doit s'installer. Dans le Qarar et le Jannah. Donc tu fais les causes, tu prépares tout ce qu'il y a à faire pour t'emmener là-bas. Comme l'étranger prépare son retour dans son pays. Wa amil sabil kadhalik, celui qui est de passage. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe, s'arrête pas. Il passe, s'arrête pas. Donc, Alema donne l'exemple. Min shars wa ala jisr, sur un pont. Un pont, c'est un lieu de quoi? C'est un lieu de passage. Que dirait-il de quelqu'un qui viendrait sur un pont et commence à faire une maison sur un pont? Les gens diraient, mais c'est pas un lieu pour faire une maison ici. C'est un lieu de passage. Les gens y passent, les voitures y passent, les gens de transport y passent. C'est pas un lieu pour résider. Enfin, donner la sécher, ça, un pont. Et l'autre bout du pont, c'est intersection. Ou Jenna ou Nar. Ah, mais tu restes sur le pont, ça, c'est pas Marcol. C'est pas Marcol. Summa, Badahada ibn Omar, il faisait une nasiha par rapport à cette wasiya du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui était parmi les plus belles, courtes, concises, wadih et pleines de sens. Min huna qala, iz amsayta, fala tantazir al-sabah. Uz asbahta, fala tantazir al-masa. Que si jamais tu es dans la matinée, n'attends pas la fin d'après-midi, ou le soir. Et si jamais tu es le soir, n'attends pas le matin. Ya'ani min hadha, ne repousse pas ce que tu peux faire maintenant, tu dois faire maintenant. Car tu ne sais pas quand la mort va te venir. T'as une toba, fais-la tout de suite. T'as un droit à rendre, rends-le tout de suite. T'as un wajib à faire, fais-le en son temps. Ou à kaza. Repousse pas. Car tu ne sais pas quand la mort va te venir. Et quand bien même, ça aurait été même dans une autre un autre fin que la mort, ça aurait été pour ne pas te retrouver après avoir beaucoup de travail accumulé à faire. Fais ce que tu as à faire en son temps. Même les koufars, ils ont leur expression qui dit « Pourquoi repousser au lendemain, c'est pour faire le jour même. » Même ils l'ont. Quand tu fais une chose maintenant, fais-la maintenant, la repousse pas. Il se peut que demain, tu ne puisses pas la faire. Cas de Malik, dans son histoire qu'il arrivait à Tabouk, qu'est-ce qui l'empêchait de partir? C'est ça. Il a tardé à se préparer. Il voulait partir. Je n'ai jamais été aussi fort qu'à ce moment-là. Je n'ai jamais pu avoir deux montures comme je les ai eues au moment du jour de Tabouk. C'est-à-dire j'avais tout pour partir. Il lui dit, je vois le Nabi, les musulmans qui se préparaient. Je vais me préparer aussi. Je vais faire. J'ai le temps, mais je vais le faire. Il dit, si je veux, je le fais maintenant. Dans le hadith, il dit, un accordé à la Zalika et Zaratto. Et il disait, laissez pousser, il laissez passer, à chaque fois qu'ils sont tous partis. Après, il a dit, à même tout, un artahila pour donner karum. J'ai pensé à préparer tout de suite et à partir. Après, il a dit, il y a l'aïtani fa'alt. Summa, l'admukadar Zalikali. Il a dit, dommage que je ne l'ai fait. Après, ça ne m'a pas été prédestiné que je le fasse. Ils se sont retrouvés bloqués le Medina avec les munafiqines et les gens excusés. Et là, ils se sentaient mal. Après. Donc, c'était quoi la cause? Repousser. Repousser. Alors qu'il voulait le faire, mais il ne l'a pas fait. En temps et en heure. Après, l'histoire, elle est connue. Après, il a fait Touba, il a reconnu devant le Nabi Sallam. Il n'est pas d'excuse. Contrairement aux autres qui ont menti, qui ont juré par Allah. Donc, attention au taswif. Je vais faire, je vais faire, je vais faire. Ça n'amène qu'au regret. Le taswif, ça amène qu'au regret. Et ça amène à, souvent, à un non-aboutissement des projets. De repousser. Comme a dit Ta'ala, قل لن تخرجوا معي عدوا لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. Il a dit, Allah a dit au Nabi sallallahu alayhi wa sallam de dire, vous n'avez pas voulu sortir avec moi la première fois, donc à cause de cela, vous ne combattrez plus jamais avec moi un ennemi, et quand vous avez agréé de rester en arrière avec ceux qui ont délaissé. Donc, pour, comme Uqouba, d'avoir délaissé la première occasion qui leur a été donnée de partir avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas voulu, et bien après, ils ont été interdits de partir. Interdits de partir par la suite. Oh, akada. Donc, attention à retarder les choses. Et Yaqoul, خذ من صحتك لمرضك وخذ من حياتك لموتك. Prends de ta santé pour le moment de maladie et prends de ta vie pour ta mort. Ça revient à ce qu'on avait dit le hadith de Abbas. تعرف على الله في الراحة يعني فكافي جدا. Au moment où tu as la capacité de faire les choses, tu as besoin de faire les choses, fais-les. Car un jour, tu ne sais pas ce que t'attends, tu peux devenir malade, tu vas vieillir, ou tu peux avoir du chouroul que tu n'avais pas quand tu étais libre. قال النبي صلى الله عليه وسلم يمتين مبرونون فيهما كثير من الناس كثير من الناس الصحة والفراغ. Deux bienfaits dans lesquels les gens sont négligents, qui sont la santé et le temps libre. La santé et le temps libre. Quand tu as bonne santé, profite. Car tu ne le seras pas tout le temps forcément. Quand tu as du temps libre, profite. Ne le perds pas. Car est-ce qu'un jour, tu veux y faire les choses, tu n'as plus le temps de les faire. Donc profite de ce temps libre que tu as. Et kazalik, profite de ta vie pour ta mort. C'est-à-dire que ad-dunya dar al-amal wa la hisab. C'est la demeure des œuvres, pas de compte à rendre. Ou al-akhira wa al-maut dar al-hisab wa la amal. C'est la demeure des comptes, il n'y a plus d'actes. Une fois que tu es mort, c'est fini. Tu ne peux plus faire salawat. Plus le siyam, plus rien du tout. À part ce que tu auras laissé dans ta dunya, comme salaka jariya, ou d'œuvres qui continuent après ta mort. Il n'y a que ça. Mais tu les fais quand ces œuvres-là? Fi hayatik. Ça dans le hadith. Khudh min hayatik li mawtik. Dès maintenant, fais les choses. Tu peux les faire, fais-les maintenant. Quand tu mourras un jour. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme on a pris le hadith, wa la tahkiranna shay'an min al-ma'ruf. Ne méprise rien du bien que tu puisses faire. Tout bien que tu puisses faire aussi. Un film paraît-il à tes yeux, fais-le. Celui qui fait un grain de moutarde de bien, il le verra. Tu le verras. Allah n'oublie pas. Allah n'oublie pas. Ah, dans la vie. Ah, dans l'yom, min hadin hadithain. العظيمين. فبهذا القدر نكتفي، وسبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.